là pour plaisanter sans patienter. Des rimes j'en place un tas, ma voix sort des enceintes sans me présenter. Je ne perce le placenta, jamais en pleine santé, on s'est croisé. Je te semblais pas sympa, j'aime pas le synthé. Je suis qu'un cinglé sorti du 18, pas de Sainte-Anne. Si je parle pas d'amour, c'est que sur le sujet, je crois que j'ai déjà tout misé. Je vois des meufs qui tournent autant que ma tête lorsque j'ai trop teasé. À force d'abuser de l'alcool, j'ai atomisé la prod. Tu te rends compte, tu ferais mieux de reculer. Ah, la première approche mène une vie pas cool. Ça parle de sexe, et petites partout. On vit dans le stress, les flics patrouillent. On croit sans cesse, les types ma boule. Juste un conseil, évite la foule, la but de la cesse, ici t'as tout. Entre business et type ma goule, les petites enseignes à mettre la douce. Si t'as de la veine, n'hésite pas, cours quand j'en vois plein dans ces tours. Crash, rapéter tes panés comme la pascaille de chez Groustype. Pas rien à foutre que ça parle. J'écoute pas les ragots. De toute façon, pour moi, la chance, c'est comme ma première cut. Je me la suis mise à dos. La haine m'habite, trop de sentiments que j'éprouve plus. Tellement de coups de pute que pour créer des liens maintenant. Il nous reste plus que YouTube, il me reste ma rime. Lorsque mes pas s'enfoncent dans la nuit noire, viens pas me parler de confiance. Vu que les gens changent, ça devient dur d'y croire. La haine m'habite, trop de sentiments que j'éprouve plus. Tellement de coups de pute que pour créer des liens maintenant. Il nous reste plus que YouTube, il me reste ma rime. Lorsque mes pas s'enfoncent dans la nuit noire, viens pas me parler de confiance. Vu que les gens changent, ça devient dur d'y croire. Qui tu rends service finiront par te faire des crasses. Pour ça qu'en moi, la haine déborde, tout comme la mer. Pendant la fonte des glaces, il faut que je me casse. De ce monde rempli de petites pestes et de commères qui a forgé en moi ce sale mélange de tristesse et de colère. Beaucoup d'hommes s'arrêtent et donner des coups de grolle m'apaise. Mais on n'efface pas ses erreurs ni sa rancœur avec une gomme à pète. Je vais pas te faire un dessin, tu vois le tableau, j'ai la haine pour thème. C'est pas la place du terme, moi pour que dalle, je te refais le portrait. Bordel, on sait tous, c'est plus baisé que les souliers du pape. J'ai stoppé la verdure et pourtant j'ai toujours la tête dans les vapes. J'essaie de positiver à cogiter sur un divan. J'emmerde Michel Berger, chez nous la coque, le seul paradis blanc. Abonné à la poisse et dans ma vie, j'en ai fait le test. Mais je suis qu'un homme qui retrouverait même pas le droit chemin avec un GPS. Nique la police, celle qui nous voit toujours coupable. Tous ces connards portent des kevlar, mais ce qu'ils ignorent, c'est que c'est déjà des trous de balle. La haine m'habite, trop de sentiments que j'éprouve plus. Tellement de coups de pute que pour créer des liens maintenant. Il nous reste plus que YouTube, il me reste ma rime. Lorsque mes pas s'enfoncent dans la nuit noire, viens pas me parler de confiance. Vu que les gens changent, ça devient dur d'y croire. La haine m'habite, trop de sentiments que j'éprouve plus. Tellement de coups de pute que pour créer des liens maintenant. Il nous reste plus que YouTube, il me reste ma rime. Lorsque mes pas s'enfoncent dans la nuit noire, viens pas me parler de confiance. Vu que les gens changent, ça devient dur d'y croire.